sur une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Marine Monster. C'est parti pour le Planète Rap consacré à Marine Monster. Bienvenue, comment vont Yann Slow du Nine Magic? Bonsoir à tous. Bonsoir pour à un nouveau jour. Un nouveau jour. Nous sommes mercredi aujourd'hui. Une nouvelle soirée. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on s'approche petit à petit de la sortie. Petit à petit, ouais. Là, c'est J-5. J-5 avant la sortie de l'album Marine Monster à découvrir cette semaine. Je ne serais pas déçu, croyez-moi. C'est bien parti. Les précommandes, comment ça se passe? C'est mouvementé. C'est bien mouvementé, bravo. Dit quoi? Ça monte. Ah, Brava qui est le boss du label avec Gims, hein, qui est exactement c'est ça. Qui est là. Le président nous écoute. Sa devise c'est Aria. Classe S, jet privé. Ah bah. Trois petits points. Tout est dit. C'est la règle des trois. C'est la règle des trois. Comme on est sur la préco, on va annoncer le jeu complet. Ah, tu perds pas de temps. C'est important. Fred s'en souvient très bien. Tu veux que je fasse le jeu? Vas-y. Alors, précommandez l'album là, dès maintenant. Si vous kiffez les Marine Monster, allez soutenir tout de suite. Vous faites une capture d'écran de votre portable. Un jeu concours, tu vois. De l'ordinateur. On va présenter l'invité dans un instant, il va tout comprendre. Vous faites une capture d'écran, vous l'envoyez avec le hashtag Marine Monster en Panamera. Et alors, qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? Puisqu'on fera un tirage au sort vendredi. Vendredi, il y aura un tirage au sort. Voilà. Et le jeudi d'après, on vient chercher la personne en Panamera. À la sortie de son lycée, chez lui, travail. Où il veut. Lui qui décide. N'importe où. Et dans toute la France, on le fait venir, tu vois. Et après, c'est pas tout, parce que non seulement il y a le tour en Panamera qui est déjà très sympa, mais on va le chercher. Et en fait, on le ramène à la boutique Vortex, on le relook, on le redépose chez lui en Panamera. Et bah alors là, je dis franchement. Je dis bravo. N'hésitez pas à capturer, à cliquer, à envoyer à nos amis Marine Monster avec j'ai le hashtag. J'ai dépensé sans compter. Marine Monster en Panamera. Et sinon, le hashtag, c'est Marine Monster sur Skyrock. Vous balancez plein de messages. On présente tout de suite l'invité qui est à vos côtés. Deux invités d'ailleurs. Deux invités ce soir. Même trois. Trois. Le troisième n'est pas encore arrivé. On va commencer avec Monsieur H. Magnum, dream, s'il vous plaît. Dream à tout va là. Le grand frère est là. Le génie des génies. Non, il n'y a rien à dire aujourd'hui. H. Magnum, ça nous fait grand plaisir qu'il soit là ce soir pour nous. C'est quelqu'un qu'on estime. Un petit mot, ouais, c'est pareil, une rencontre quand vous étiez plus jeune. Ouais, lui, c'est le grand frère, lui, tu vois. H. Magnum, c'est comme notre grand frère, tu vois. C'est quelqu'un que j'ai connu via Gims, tu vois, à force et tout, de le voir, et puis le feeling, il est passé. Moi, je suis là, tu vois, je suis juste le petit refrain, mais il traîne avec le refrain, donc c'est la même en vrai, tu vois. Pour toi, H. Magnum, alors un petit mot quand même sur Marine Monster et sur ces deux personnalités qui forment le groupe. C'est deux rappeurs talentueux qui ont des crocs, tu vois. Et c'est pas seulement parce que c'est le petit frère à Muggy. Tu vois, ce qui est bien avec Marine Monster, c'est que les deux sont dangereux. Tu vois, donc il y a toujours un. Tu vois, l'autre veut toujours manger l'autre. C'est des monstres. C'est un combat de monstres marins. Un combat de monstres, tu vois. Voilà, c'est ça. Et ils se sont rencontrés comme ça à force de faire des sons ensemble et ça a pris. Et ils se sont dit, vas-y, on fonce. Hein. Et aujourd'hui, ils en sont là. Et c'est grâce à lui si aujourd'hui Marine Monster est né. Oui, c'est grâce à lui. Vraiment. Voilà. C'est lui qui nous a poussé vraiment. J'imagine une anecdote, moi. On devait partir en showcase, tu te rappelles, dans un patelin avec Gims. C'était au clip de Changer, de Maître Gims. En plein tournage, c'était le troisième jour. Il m'a dit, vous deux là, je sens. Il a appuyé mon zen comme ça. Je sens. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Elle a dit, mais Do, c'est logique. Mais Do, c'est logique, Do. Arrête. Non, mais parce qu'au fait, c'est deux entités, qui se complètent bien. Donc, ça sert à quoi de vouloir sortir chacun de son côté, alors que vous êtes ensemble, vous travaillez toujours plus fort ensemble. Vous êtes plus fort ensemble et comme ça, un binôme, il y a pas beaucoup de binômes, je crois. C'était ça l'argument, tu te souviens, va. En appuyant sur le nez. Il y a pas beaucoup de binômes. Je sens, il y a un dream qui va se passer. Algérie, Zahir maintenant. Merci d'être là, en tout cas, H. Magnum. Ça fait super. On va continuer à parler ça dans un instant. On présente le deuxième invité qui est là aussi, qui est un autre frangin. Est-ce que c'est le vrai? Est-ce que c'est le clone? Nous a-t-il fait l'honneur d'être là ce soir ou malheureusement. malheureusement, c'est toujours le clone. Encore un clone? Encore un clone. Merde. Alors, le clone de X-Gang qui est là aussi avec nous. Bienvenue. Effectivement, merci. On est là. On soutient les Marin Monster. Yeah. Marin Monster. Et est-ce que tu as un message du principal X-Gang? Est-ce qu'il t'a confié un message à leur passer? Bien sûr, bien sûr. Comme tous les jours. Il m'a dit de leur dire force et honneur, courage. Ouh. On a confiance. Un message profond. On sait que là, le bateau. Il prend le large. Il est là. Il prend le large. Ça flotte bien. Eh bien, bienvenue à vous tous pour ce Planet Rap ce soir. Marine Monster, on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir dans l'émission tout de suite. Skyrock remonte le temps. C'était hier soir dans Planet Rap. Passez une bonne soirée, bienvenue, ça y est, c'est parti, coup d'envoi de cette deuxième soirée avec les monstres marins, les Marine Monsters avec nous. Yann Slow du Nine à ma droite, en face, monsieur Bedjik. Bonsoir à tous. Comment va? Ça va très bien toi. Cette deuxième soirée prêt? Deuxième soirée, là on est mardi, t'as vu? Comme un mardi. Planète Rap, mais you wanna know du Nine. Je n'ai pas changé depuis, je vais vous raconter ma life. En commençant par faire du salalalala. Mais what I know, Young Slow du nanana. Chantons tous ensemble, allez. Hey yo miss, I'm sorry. Si ton cœur j'ai déjà zébré, tu me verras m'enjailler avec toute ma clique, mais jamais je vous rivalise, vous dévalise. Pendant que Muggy gère le beat, je veux être vendu au West Indies. Marine Monster, rest in peace. Planet Rap. Qui est le plus fort sur les légendes des monstres marins? Alors c'est très simple, hein, je vais vous proposer des légendes. Vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux, si c'est une vraie légende ou si c'est une fausse légende. C'est parti. Nessie, est-ce que c'est une vraie légende d'un monstre marin, vrai ou faux? C'est vrai. Donc vrai? Ouais, c'est vrai. Allez, un point pour chacun. En effet, bravo, c'est le monstre du Loch Ness. Yes. Nessie, est-ce que la légende de Kraken est un vrai? Bah, finis ta phrase. Mais moi je te respecte, tu finis ta zone. Sinon, moi aussi j'allais dire vrai. J'ai entendu Kraken, je vais dire. On est trop deux, vous savez à quoi ressemble Kraken dans les légendes? Ouais, il a les dents pointues. Je vais donner le point. Un monstre qui n'a pas les dents pointues, c'est pas un monstre, les gars. C'est un calamar géant. Ah, voilà, donc je sais pas si t'as déjà vu beaucoup de calamars avec des dents pointues, mais. Légende vraie ou fausse? Yes. Benjik et Yann Soul du Nine. C'est vrai. C'est pour le point, il est là. Le point, il est là. Bravo. Ouais, bravo. C'est Yann Soul qui remporte. Mais c'est décalé en fait dans mes. C'est parti. Pour tous les gars qui encaissent. On me disait que fais-tu là et que maintenant j'habite même dans une villa. Que j'aurais pris la grosse tête depuis que je suis dans Subliminal. J'entends même tous les jours, est-ce que t'as serré Bella? J'encaisse. C'est vrai que les gens se testent. Mais qu'est-ce que tu me testes? Face au reflet, je suis le test. Donc laisse-moi faire, ça m'intéresse. Je suis Planet Rap. Planet Rap. 9-3-7, 5 règles, c'est pas Dallas. Montre pas si t'as un gros palace. Les petits rêves du million de Dallas. Wow, 9-3-7, 5 règles, c'est pas Dallas. Montre pas si t'as un gros palace. Les petits rêves du million de Dallas. Wow. Si tu m'as vu rouler en Panamera, la vie n'est qu'une loterie, pour le reste on verra. Je veux pas finir à Guantanamera. Ah oui, mon gars, je veux m'en aller avant de tomber dans les flammes. Je veux m'en aller avant le dernier grain de sable. Voilà, c'était hier soir dans l'émission. Si vous avez loupé, c'est chaud avec les Marine Monster. Il y aura du live d'ailleurs ce soir, messieurs. Il y aura du live ce soir, mais ce ne sera pas nous. Ce sera notre troisième invité qui n'est pas encore là. Aussi. Surprise tout à l'heure, à pas louper. On passera peut-être aussi le morceau d'Ash Magnum. Il y a un nouveau morceau qui est arrivé. Idem, extrait, premier extrait, très doux. Et d'ailleurs, beaucoup de douceur, je trouve, sur ce clip. Beaucoup de douceur, Idem. Ouais, voilà, c'est un retour tapis dans l'ombre, comme tu sais. La bête est sortie, donc c'est mon premier album, donc tu vois, on fait beaucoup bien. De mixtapes et là c'est vraiment voilà, c'est choc. On en parlera tout à l'heure. Je viens de voir le troisième invité qui vient d'arriver. On présente dans un instant, juste après je pense qu'on va mettre le morceau. C'est bien qu'on y aille avec pour commencer d'entrée de jeu. Et on garde le suspense, on présente le troisième invité juste après. Pour commencer, merci. Je n'ai pas changé depuis, je n'ai juste plus le time de me poser où la jambe baillit. Et à l'heure où je te parle, je suis peut-être dans un autre pays. Je vous raconte ma life en commençant par faire du sol. Mais qui voit l'anneau du night? Je n'ai pas pas changé depuis. Je n'ai juste plus le time de me poser où la jambe aille. Et à l'heure où je te vois, c'est notre planète rap, dans un long pays. Je vous raconter ma life en commençant par faire du salalalala. Le 3 novembre dans les bacs. Toujours. Ok. On va commencer par faire du salalalala. Est-ce que t'as déjà vu des gens prendre la farine canne? Et les filles, les flics, les fanatiques de farine canne. 9e balle, c'est 9, on arrive en balle. Fix ma bique dans un sharingan. J'arrive en balle, c'est all time. Vas-y, taille frère. 9e zone, que des gars sales, que des bails frais. J'ai la dalle, j'ai tout braille, oui, ça va le faire. J'ai la technique, ma beauté nique ton boyfriend. C'est la street, là où y'a pas de compère. Là où ça casse la coque et des flingues dans des packs compères. C'est un hold up, oui, vous êtes fort depuis. Contre ma corporation, Echo et Black Panther. Aïe, que des cas aussi. Joue à Mourou. Comme un déclenteur, la sœur. Plus le temps, faut qu'on se casse. Trop vif, tu constates. Gamslo, Megiwarano, Megi Warano, Baragoska. Megi Warano du line. Je n'ai pas changé depuis. Je n'ai juste plus le time de me poser où la jambe aille. Et à l'heure où je te parle, je suis peut-être dans le pays. Je vais vous raconter ma life en commençant par faire du sol. Mais qui voilà nos denies. Je n'ai pas changé depuis. Je n'ai juste plus le time de me poser où la jambe aille. Et à l'heure où je te parle, je suis peut-être dans un autre pays. Je vais vous raconter ma life. Moi je crois que ça se met pas quoi. Sheba Kram. On va commencer par faire du sal. I'm sorry, c'est ton cœur, je l'ai déjà zébré. Tu me verras m'enjailler avec toute ma clique, mais jamais sautille. Je vous rivalise, vous dévalise. Pendant que me guide, gère le bis. Je veux être vendu au West Indies. Marine Monster, rest in peace. Tellement, tellement clair. Aucune terre. Laisse-nous faire. Ce morceau, c'est juste la l'air. H, comment vous dire qu'on arrive en dessous? Putain, les gars, je peux vous faire un dessin. En fin d'année, vous allez vous chier dessus. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on veut des sous. J'suis pas le genre de mec, posé au bar. J'ai pas besoin de voir la barre. On t'a dit que l'inspire, viens de me dar. Aspect Vortex Net, qui veut bar. Make you wanna know du line. Je n'ai pas changé depuis. Je n'ai juste plus le time de me poser où la jambe aille. Et à l'heure où j'me barre. Make you wanna know le flow. J'suis peut-être dans un autre pays. Je vais vous raconter ma life en commençant par faire du sol. Make you wanna know du line. Je n'ai pas changé depuis. Je n'ai juste plus le time de me poser où la jambe aille. Et à l'heure où j'te barre. Je suis peut-être dans un autre pays. Je vais vous raconter ma life en commençant par faire du salalalala. X-Gang, one of my soldiers, nananana. Nos co-vestis, je vais commencer par faire du salalalala. What I know, young snow, du nananana. On va commencer par faire du sal. On va commencer par faire du sal. On va commencer par faire du sal. Marine Monster, le 3 novembre dans les bacs. Ça va. Galative Beat. Make you wanna know du line. Je n'ai pas changé depuis. Remis le temps. Je n'ai juste plus le time. De me poser où la jambe aille. Et à l'heure où je te parle. Je suis peut-être dans un autre pays. Je vais vous raconter ma life. Mon gars pur et dur, mental. Make you wanna know du line. Changé depuis, je n'ai juste plus le time de me poser où la jambe aille. Et à l'heure où je te parle, je suis peut-être dans un autre pays. Je vais vous raconter ma life en commençant par faire du sale. Pour commencer à l'instant, c'est aussi extrait de l'album des Marine Monster. On le retrouve ce morceau avec Gims, qu'on salue. Gims qui, je l'espère, est à l'écoute comme chaque soir. Big up, dans une oreille, là où il se trouve, yeah. En tout cas. Avec nous entre 20 et 21, Yash Magnum. Yash X-Gangs, X-Gangs avec nous, pardon, ou le clone de X-Gangs. Ah. Le clone, ouais. Et vous nous avez dit un autre invité. Un troisième invité, le 9. Le 9 en personne. C'est le. Bonjour. Il va vous expliquer pourquoi. Alors, présentation du 9. Présentation, lui, il s'appelle le 9. Le 9. Le 9, voilà, tu vois, il y a du 9, il y a plein de 9, ouais. Mais lui, c'est le 9. C'est une famille. C'est une famille, en fait, tu vois. C'est comme les ASAP. Tu connais les ASAP, tu vois, c'est la même chose. C'est les du 9, voilà. Les du 9. Voilà, un gros potentiel, un gros rappeur qui monte petit à petit, fait son buzz dans la rue. Big up au Vinke. Eh ben c'est bien, en même temps, vous avez oublié que vous aussi, vous avez été poussé, mis en avant, oui, voilà, et que voilà, qu'il y ait une suite logique. Exactement, on se doit, c'est normal. Exactement, c'est la suite, c'est la suite. Vas-y, place un petit le 9. Bienvenue, ouais. Ça va? Tiens, ouais. Prends bien le micro, qu'on t'entende bien. J'ai envie de te demander un petit CV express de ce que t'as déjà sorti, où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il y a des choses qui arrivent. Fais ton bénéf. J'ai fait des Fais ton bénéf, c'est sur YouTube. C'est une série freestyle. C'est une série de freestyle qu'il a fait, des clips. Ça s'appelle Fais ton bénéf 1, 2, 3, 4. Ça fait pas mal le buzz en ce moment. Et le premier qui a pété 200 000 vues. Dis-le. En toute humilité. Dis-le, poteau, t'inquiète pas, on est ensemble. Il est humble, il est humble. Il est humble, il est très humble. Donc tu bosses, je suppose, sur un projet, il y a des choses qui arrivent. Non, pas du tout. Ah bah. Voilà, il est très fort. Au feeling. Très fort de il est au feeling, c'est un type, il est au feeling. Tu vois moi. Vas-y, vas-y, je t'écoute. Deuxième crampe. C'est le nice. Non, tranquillement, il prépare ses bails. Il va faire un personnage mystique. C'est un mec, il aime pas parler beaucoup. Il va rapper ça. J'ai cru comprendre. Donc, c'est lui ce soir qui fera le live. C'est lui qui fait le live. Il va rapper ça. De toute façon, on sent le chakra qui dégage en lui. On l'a senti. Quelle atmosphère. On sent qu'il faut pas trop lui poser de questions. Et on sent que c'est un gars sûr qui balancera personne. En tout cas, ça, c'est. Voilà, lui, c'est sûr. Ça, je peux vous dire une chose, vous êtes tranquille si vous êtes son pote. Hein. Alors là, je suis son meilleur ami. Voilà, X-Gang, je pense que t'as aucun souci à te faire. Ah non, moi, si jamais il y avait des. Oh non, c'est mon pote. Des mon gars, soin sur. Et bon, on le retrouvera tout à l'heure le 9. Qu'est-ce qu'on met comme morceau, messieurs? Est-ce qu'on part sur un de vos morceaux? Est-ce qu'on met H Magnum? Qu'est-ce que vous voulez? Magnum après, tout doucement. Après, tout doucement. Tout doucement. Manger une frappe. J'allume. Ah, je t'allume ou pas? Ouais, donc ça, c'est le deuxième carton. Après, pour commencer, il y a maintenant J'allume. J'allume, exactement. Et le clip arrive lourd. Alors oui, c'est quand le clip? C'est très lourd. Quand arrive le clip? On n'a pas de date encore, on va dire dans. Moi, j'ai entendu que c'était un clip minimum à 50 000 balles. Tiens. Tu as raison, on va demander tout de suite. Ben on va demander au bras droit, au bras va, pardon. D'ici une quinzaine de jours, on va aller. Je l'aurais même pas encore annoncé, on va le faire, mais on va le faire à un endroit où personne. Ah, il est pas fait, je pensais que c'était fait. Non, mais c'est un lieu où personne a tourné. Personne a tourné. T'inquiète pas, Moret. Je peux pas encore dire. Ça a pas tourné. On va être dans du pays. Alors, est-ce qu'on peut dire en France, à l'étranger? À l'étranger. Au Zimbabwe. En Europe, mais à l'étranger. Dans le nord. Dans le nord de l'Europe. Nord de l'Europe. Ah, vous êtes caillé les gars, bon courage. Hein. Je sais pas si c'est un cadeau pour vous. Le paysage est bon de toute façon. Ce qui est bien avec ce genre de bordel, c'est qu'il aime les choses, tu vois, il se prend la tête. Ouais, yes, exactement. Il fait pas les choses à moitié. Donc exactement, c'est bien. On va fêter bientôt les 1 an là, bientôt là. Ouais, bientôt. Le nom du label, exactement. Ah oui, c'est vrai, c'était quand la création du label? C'était il y a à peu près, dans un mois, ça va faire 1 an. Ouais. Donc il y aura, alors, pour en profiter pour demander. On me rappelle des cadeaux. On veut des cadeaux. C'est le moment, parce que vous êtes la Noël. Première, signature. Il y a l'Algérino aussi, McTayer aussi, qui fait partie de l'équipe. Vita. Mais c'est ça le cadeau. Le clip à 50 000. 50 000 quoi, il a pas précisé. Hein. Non, ouais, 50 000 roupies, des sauces. Allez, on écoute le morceau J'allume. C'est parti, Marine Monster sur Skyrock. Très, très lourd. J'allume, Marine Monster. Très, très lourd. 75 09 020. J'allume la mer, Docteur Berry, j'allume, so damn. Je suis au bord de la falaise. Au bord de la falaise. Au bord de la falaise. Au bord. Un peu différent des autres depuis tout petit, je suis solo. On prenait pour un fou tout ce que je disais. Un sentiment de Rachid Mehdi. On allume la mèche ou quoi? J'encaisse les torts et passe à moi. Son close toutes tes portes. Arrête-t-il que je suis trop énervé? Énervé. Mais propose du taf avance vers moi puis m'aborde. Comme s'il m'avait observé. M'a proposé d'allumer des mèches. À la base, ça ne m'emballait pas des masses. Repensant une seconde à ses élèves. Qui m'insulte, me traîne, puis me tabasse. Let's go. Dans les bains, au bord de la falaise, au bord de Sarcelles, au bord. Ça fait un moment que je suis dedans, moi je trouve pas ça embêtant. Des mecs qui me donnent le sourire et savent que je prends pour un passe-temps. C'est vrai que je fais des horreurs, rien à foutre tant que je vais à l'heure. Je fais sauter des villages et des familles au bord de la peur. Et j'en passe, égoïste. Je le suis, un mec sans cœur, pas déçu. Voilà ce que je suis devenu. Aujourd'hui, je rentre plus tôt que prévu. Un appel téléphonique m'a surpris. J'ai de suite compris l'imprévu. Une mauvaise nouvelle, j'ai appris. C'est la merde dans mon village. Ça parle de décapitage. Je perds son froid dans l'habitacle. À l'arrivée, pétage de câble. Je soulève des débris énormes. Des corps en plus des mêmes des morts. Des arbres et des jouets de mots. Des flammes forment le décor. spéciale dédicace à mon gava H de guerre. C'est la fin. H de guerre. Black et tout ça. Dream. Parce que Black. J'allume la mèche. Nokové, mon gars, on l'a fait. Au bord de la falaise. Condor 9-4. Le 3 novembre dans les bagues. On t'a dit le 3 DLF. Novembre dans les bagues. Le 3 novembre dans les. 3 novembre dans les bagues. Marine Monster, qui est église? Mais qui est église? Double MC, on fait les bails. Mais. À l'instant, sur Skyrock, le morceau des Marine Monster, J'allume, qu'on trouve sur l'album. C'est un très beau son, en effet. Donc le clip va être tourné là dans les jours qui viennent, quelque part en Europe, a priori dans le nord de l'Europe. On ne le sait pas, même nous. Même vous n'êtes pas au courant. Ouais, même nous, on n'est pas au courant. Brava seulement est courant. Voilà, celui, mais il ne veut pas balancer l'info. Peut-être qu'on va travailler d'ici la fin de semaine et on aura peut-être l'info d'ici la fin de semaine. Inch'Allah. À moins que vous partiez d'ici là. H-Magnum avec nous, X-Gangs aussi. X-Gang est là aussi. Le Nine qui est reparti dans les profondeurs du Nine. Ouais, t'inquiète pas. Le Nine, il est pas très loin, t'inquiète. Le Nine, il est là. Et alors, j'ai une petite surprise pour vous. Ouais. Oh. Le boss, le big boss. Le big boss. Et là, il est en connexion avec nous. Qui? Warano. Il suffit de dire allô. Warano. Allô. Allô. Et ouais. Est-ce que vous reconnaissez cette voix? Ouais. Ouais, Dolly. Mon gars, je suis fou là. C'est Maître Gims avec nous. Gims, comment va? Ouais, ça va. Là, je rigole parce que là, j'appelle, mais en même temps, il y a les charmeurs de serpents. Je suis à Jamel Alsna. Ah, tu es au Maroc. Il y a des gens qui essaient de me vendre des trucs. Ils m'ont mis un singe sur l'épaule. Il y a Fred qui me parle au phone. On n'est pas très loin tous les deux. Ouais. Un bourbier. Toujours dans des bourbiers pas possible. On va me revendre un paquet de cacahuètes à 800 grammes. J'essaie de gérer le. Donc tu gères les deux trucs en même temps. Tu gères les deux trucs en même temps, Gims. Il y a le singe et il y a nous. Bon, ça va, tout se passe bien? Ouais, ça va, tranquille et vous. Ça va, écoute, tout le monde va bien? Écoute, l'album. L'album, je suppose que tu es fier quand même du boulot qu'ils ont fait autour de cet album. Ouais, j'ai écouté l'album. On a écouté même de certains sons avec Yanslo et Bejik. Je l'ai écouté assez tard l'album. J'ai pas pu superviser du début à la fin parce que j'étais en même temps dans d'autres choses et tout. Mais je suis super content. Je suis super content de ce qu'ils ont fait. Ils passent en radio. J'étais super content. J'ai même eu Laurent Bounot directement pour le remercier et tout du soutien qu'il apporte à ces deux-là parce que voilà, ils ont tout à faire maintenant. On est là pour les pousser, ils doivent se construire, il leur faut leur classique, il leur faut leur histoire et voilà, ça commence bien, ça commence plutôt bien. Moi ça me rappelle nous, ça me rappelle moi et les autres. On n'a pas eu cette chance là forcément tout de suite, donc eux ils ont tout à faire, ils ont toutes les armes. Donc voilà. Et Gims, ils sont sur le ring et c'est à eux de boxer et de faire les bails. Gims, tu l'entends peut-être dans le studio avec nous. Il y a H-Magnum, il y a X-Gangs avec nous. Bien sûr. Il y a X-Gangs aussi, il est là. Et il est là. Enfin, un de ses clones. X-Gangs, moi, My Soldier. Un de ses clones, c'est le faux. Je sais pas. Le refrain sûr, là, c'est le faux. Ouais. T'as reconnu la voix. Bien sûr, évidemment. H-Magnum, c'est sur WhatsApp tout de suite. Ouais. C'est un aventurier, lui. C'est un mytho. Que je venais. Hein. Ah, il m'a pas dit qu'il venait. Hein. Ouais. J'étais sur WhatsApp, on parlait d'autre chose. Ouais. Il me parlait de gros chiffres, de millions d'euros. Ah. Et d'ailleurs, on passera son morceau. Il a balancé un morceau il y a quelques jours qui s'appelle Idem. On va le passer dans quelques minutes. Idem, très lourd. Très, très lourd. Idem. Et bah, moi, je soutiens le truc à fond. Gims, t'en es où dans le singe, les cacahuètes? Ça va, ça s'arrange ou pas? Bah là, j'ai réussi à descendre à 600. On va te laisser continuer. Alors, il y a peut-être une info quand même à savoir, parce qu'on essaye de savoir avec le Brava qui est là, où sera tourné le clip de Marine Monster, J'allume la mèche. Pour l'instant, aucune info n'a filtré. Est-ce que toi, tu en sais plus? Ah non, je sais rien du tout, ils m'ont rien dit. Hein. Est-ce que tu as vu passer des bons commandes, des billets d'avion? Je découvre les trucs dans les bacs, ils me passent rien. Et bah justement, est-ce que l'album est arrivé déjà à Marrakech? Est-ce que, ouais, parfois... il est sur un maintenant. Par contre, la pochette ici, elle est jaune. Elle est jaune, la pochette. La pochette ici, elle est jaune, donc je sais pas si c'est une version de luxe. Gold. Bon, bah merci d'avoir été rapidement avec nous, Gims. Merci. On te laisse retourner dîner les cacahuètes. Et tout ce qui va avec, ouais. Un petit mot, qu'est-ce qui se passe? C'est plutôt du repos en ce moment, Gims, ou un peu de recul? C'est du repos sans être du repos, parce qu'on bosse toujours en sous-marin. On soutient le projet du général McTayer qui arrive très lourd. Ce sera la prochaine sortie du label. Donc là, si tu m'entends, Socrate, sache que reprendre ce qui t'est dû de droit, parce que là, ce qui arrive, là, c'est j'ai écouté, c'est vraiment lourd. On a écouté aussi, un son là, laisse tomber. Donc, il y a X-Gangs aussi qui prépare tout ces trucs. Tu vois, tout doucement, c'est le truc, il y a Vita qui va arriver aussi sur un nouvel album. Donc tu supervises un petit peu tout ça. C'est du repos sans être du repos, voilà. Donc voilà, on bosse sur Vortex, sur la marque Vortex qui est en train de s'étendre vraiment partout, sur des modèles, essayer de se différencier, faire des trucs vraiment lourds. Donc il y a plein de choses. Donc voilà. Et merci. Est-ce que tu es parti au Maroc? C'est comme l'ours, tu vois, l'ours quand il hiberne, il dort que, il n'y a qu'une partie de son cerveau qui dort. S'il se fait agresser, il peut toujours se réveiller. Tu vois ce que je veux dire. Gims, est-ce que tu es parti avec ce magnifique véhicule qu'on a vu sur le net là depuis quelques jours qui circule? Ah, mon Ferrari F458. Spider. Je l'ai eu. Ce qui s'est passé, c'est que non, attention. Véhicule, moi j'étais au salon de l'automobile. Je suis un fan de salon de l'automobile, donc je suis allé là-bas, j'ai craqué, c'était un coup de foudre, tu vois ce que je veux dire ou pas? Les mecs, c'est des gros vendeurs de rêves, ils sont arrivés, ils m'ont porté, j'ai même pas touché le sol, ils m'ont porté, ils ont commencé à me mettre des parfums, ils m'ont posé sur un tête. Et je suis sorti direct avec la voiture. Et direct, en fait. Ils ont dégagé les gens. Ils ont poussé les gens, ils ont dit ça à travers la vitre, j'ai pété la vitre, je sais pas. Bon, on te remercie d'avoir été avec nous, Gims, en tout cas passe une belle soirée. Est-ce qu'on peut applaudir Gims qui était là avec nous et qu'on salue et toujours un plaisir de t'avoir par téléphone, Gims? Ça fait plaisir. Bah, un grand soutien à vous tous et un grand merci à toi. C'était Allez, je crois qu'on t'appelle sur la place. Là. Je crois qu'il y a beaucoup de gens autour de toi. Là, on veut me revendre un genre de chameau, mais il est stérile maintenant. Il ne veut pas perdre d'enfant de chameau. Donc, on va essayer de descendre le prix. Ouais. Merci, Gims. Bonne soirée. Allez, à plus. Ciao, Gims qui était avec nous. On va revenir. Alors, qu'est-ce qu'on passe dans un instant, messieurs? On va passer. Jean-Caisse. Jean-Caisse. Jean-Caisse, ça arrive juste après la pub. Bougez pas. Comme toi, Marine Monster a choisi Planet Rap. Planet Rap. 20h, 21h, tous les soirs sur Skyrock. Les Marine Monsters sont là il y a quelques minutes. Gims était par téléphone avec nous. H Magnum, il est dans le studio. Yeah. X-Gangs aussi. Le Nine est pas loin sur Skyrock. Pas loin, toujours pas loin. Et alors là, on est promis un morceau. Ouais. Jean-Caisse. Alors ça sera Jean-Caisse. Non, on va laisser. Qu'est-ce qu'il y a, le Brava? On va laisser Jean-Caisse. J'ai une exclue à balancer ce soir sur Sky. Comme Sky nous soutient depuis le mal fait des labels. Attention, parce que j'ai l'impression qu'il veut rentrer dans Marine Monster. Ouais, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe, le gars détient les infos, il commence à prendre les infos, il est dans les clips. Alors Brava, que se passe-t-il? Il veut mettre un son de lui. Je vais balancer le titre, vous allez écouter vous-même. Et exclu donc de Marine Monster. Marine Monster, bien sûr. Mais un morceau donc total exclu. On est dans l'international. Ce serait pas le morceau avec Snoop? Non, sans déconner. Mais t'avais dit on le balance pas tout de suite, on le garde, on l'a mis dans un coffre. J'ai décidé, j'ai vu que Sky nous soutient depuis le début sur le label. On va dire, on va faire une exclu à Sky ce soir. Oh là là. On est obligé. H Magnum, tu as écouté ou pas le morceau? Non, jamais. Non, tu savais pas qu'il avait posé avec Snoop, si tu savais? Si, ça, je savais, mais il est arrivé avec Fourgon. Hein. En Fourgon, je crois que j'ai pas écouté la dernière version. Attention. On va juste laisser deux secondes aux gens sur les réseaux sociaux le temps de tweeter, par exemple, avec le hashtag Marine Monster sur Skyrock. C'est ça, hashtag Marine Monster. La rencontre Marine Monster. Snoop. Le morceau, il s'appelle Vacay. Non, mais après ça, t'arrêtes la zigue normalement. Le son s'appelle Vacay. X-Gangs, assieds-toi, tu viens de pas. T'étais parti aux toilettes? Tu as pas entendu ce qui vient de se passer là? Ouais, grosse exclu. Exclu total, on va balancer un morceau. Lion. Snoop et Marine Monster. Prends le micro. Non, sérieux? Je vais montrer que le label, on rigole pas. C'est de ça que je te parle, Fred, quand je te dis Aria Classe S jet privé. Ouais, c'est simple. C'est ça que je te parle. Il y a des mots-clés, c'est pas pour rien qu'il y ait des mots-clés, tu vois. Vas comprendre. On y va, on y va. On balance ça. Allez, balancez avec le hashtag Marine Monster sur Skyrock. Envoyez tous vos messages exclus total. Snoop Dogg et Dogg. Ha! Tu nous avais négligé, hein? Double MC, on fait les bails. D'où que tu viennes ou que t'ailles, t'entendras parler de nous obligé. Aria Classe S jet privé pour aller voir Big Snoop Dogg. It's Aria Madonna. Oh yeah, it ain't nothing but a holiday. Talk to me, baby. Take a break, everybody needs to get away. The pressure's been building up. Bientôt le clip. Break the system. Exclu dans Planète Rap. Must be so much more to live and more to see than the walls in this building closing in. So fuck the system. Ain't no way to get me down. We gon' spread the love around. Turn it on up, yeah, you hear me now. We gon' have a ball. Mais t'avais dit de venir signer. Tu voulais pas, hein? La da di da day. Bitch, I'm on vacay. Double MC clan, toujours dans les temps. Marine Monster, on est compétent. Plus rien à foutre de la vie maintenant. Passe pas la pommade. Je prends tout devant moi avant que la vie s'arrête. Ferme-la et mets tout dans la mallette. La vie c'est comme ça, demande à Taran McDonald. BEDJIK, Transcender Squad. Malheureusement pour vous, je suis sur la toile. À la recherche du soleil pour sortir un quad. Victoire, qu'est-ce que tu veux toi, je suis adéquat. YKNSL, l'eau, tu reconnais. Ça bosse avec des quinries détonnés. On n'a pas le temps pour vous, tu croyais qu'on bitonnait. T'as le choix entre abandonner ou vous abonner. Je décolle de Paris pour atterrir à Londres. Je fais un LA pour ne pas finir à Londres. Paris, London, LA, une seule nation fleurie. Nanterre, très loin de s'enfermer. J'en ai marre de charbonner, j'suis fire. J'vais me foutre au bord de la flyer. Reste de glace, mais dans ma tête, c'est fire. J'ai le flow 75 carats. J'fais des roues arrière sur le beat en Kyra. Snoop Dogg, Marine Monster et Tara. Un gros tube. Qui à l'église? Là, je vois le clip déjà à LL, tu vois ce que je veux dire? Pose pas de questions, il est l'heure. Allez, viens, on s'arrache. Bitch, I'm on vacay. De Paris à LA. Grosse exclue dans Planète Rap. Marine Monster Air. Attention, le casting de dingue, hein, parce qu'évidemment Snoop Dogg, vous avez reconnu Snoop sur le morceau. Ouais. Une jeune fille qui s'appelle Tara McDonald. Tara McDonald. Qui est une anglaise, qui est une compositrice, auteure, chanteuse. Qui a bossé avec des David Guetta. Avec Guetta notamment, avec Armand Van Elden et Zao aussi. Et tellement d'autres, ouais, exact aussi avec Zao. Ouais. J'ai envie de dire bravo là, franchement. Bravo. Ça fait plaisir. Morceau totalement inédit, les réactions. Je crois, ils ont wesh un peu Snoop. Hein. Non, je l'ai. Alors, laissez-moi lire quelques messages. Le son est mortel, le son est lourd, c'est de la frappe. Je savais pas que c'était un feat avec. Je savais que c'était un feat avec Tara McDonald, mais pas Snoop. Bah oui, en effet. Grosse tuerie, j'aime le son. C'est unanime pour l'instant. Ah, il est lourd. Tube interplanétaire. Interplanétaire, club, clip. Le meilleur son et featuring de tous les temps. Là, c'est carrément des messages qui arrivent. C'est gentil. Et est-ce que le clip à Miami, t'es prêt pour toi? Non, mais est-ce que. Non, lundi, vous êtes prêts? Faut aller jouer le truc lundi dans les bacs. Lundi dans les bacs. Le 3 novembre dans les bacs. Le coffret collector. Exclusivité Leclerc, allez chercher le coffret collector, un CD avec un t-shirt pour Vortex. Moins de 20 euros. Magnifique, le morceau donc qu'on écoutait à l'instant avec Marine Monster, Snoop Dogg et Tara McDonald. Médica de Tourcoing est là par téléphone. Yes. C'est Médic de Tourcoing. Ça va bien, Médic? Ça va et toi? Écoute, salut à toi, là on vient d'avoir une grosse exclue donc tout va bien. Big up à Marine Monster déjà. Yeah, big up à toi, mon frère, big up. Est-ce que tu es prêt à tout déchirer? Allez, en 1:30. Vas-y. On balance le son, t'as 1:30 pour tout déchirer, sinon il y a le gong à la fin du freestyle. C'est parti, Médic. Vas-y, vas-y. Balancer, elle, hein. Ils vendent la peau de l'ours sans même l'avoir tué. Ils veulent faire la course, mais tu sais, leur seul pied. J'arrache ton string, non, je suis pas dans la dentelle. Si tu fais le chien avec moi, et ben je fais la panthère. Lion de l'Atlas, je suis d'origine Marocco. Toujours dernier de la classe, je reste toujours de Pattaya. Viens à Pattaya, si t'aimes pas ce que je fais, poteau. Fais pas le poteau pour une meuf si tu fais la love star. Il reste tout de l'audi, mais il roule encore ça. La vie te pète quand elle veut et ça devient corsé. Mon flow va plus se noyer, je suis un putain de corsaire. Je fais mal quand personne ne s'y attend, comme un cancer. Je suis comme la vie, je te pèse à n'importe quel moment. Je rate jamais mon but comme un joueur allemand. Je rate pour me détendre, vous pour vous défendre. Arrêtez les descentes, vous allez vous faire descendre. Ils font les macs, mais ils ont pas de fraîche. Vous passez à la trappe car vous êtes en pas sèche. Je me vends pas d'être riche, c'est que je suis à sec. Vous faites du son, donc pourquoi vous parlez de la mec? Hein, ok, c'est pas fini, laissez-moi encore 15-20 secondes. Ok, hein, ça fait. À toi. J'ai toujours pas trouvé pourquoi je suis né, j'ai beau chercher, mais je suis perdu comme ma destinée. C'est un aller simple et je sais qu'il n'y aura pas de retour. C'est pas si compliqué comme l'attentat contre les deux tours. Je viens cracher ma haine, pas les couilles de tout ce qu'on dit. Ils font les mecs, mais quand ils sont seuls, c'est ce qu'on dit. Ok. Écoute, pile poil, le gong n'a pas retenti, mais bravo. Carré, oh, Médic de Tourcoing, bien non, franchement, H. Bravo, bravo, bravo, franchement, c'est au téléphone. C'est au téléphone, téléphone, c'est pas simple. Que c'est pas simple au téléphone, donc très très lourd. Et ben on peut te retrouver aussi sur le net, on peut te suivre quelque part, Médic. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube, Médic Yuzu. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Médic Guizé Yuzu, pareil, vous pouvez me retrouver partout. Merci à toi, Médic. Médic. À l'instant. Je peux faire un petit big up, hein? Bien sûr, vas-y, vas-y. Donc, petite dédicace à ma famille, déjà, ceux qui me soutiennent énormément pour le rap. Dédicace à mes amis, ceux qui m'ont reconnu, à ma chérie, Catherine, que j'aime fort. Et puis, c'est tout, quoi. Eh ben, c'est déjà pas mal. Bravo à toi, Médic. Bah, merci à vous. Et à très vite sur Skyrock Marine Monster avec nous. Alors, est-ce qu'on balance ce morceau d'H Magnum? Parce qu'après, il y a le live. Après, il y a le live du Nine. Idem. Là, j'ai envie d'écouter Idem. Alors, là. H, un petit mot sur Idem, c'est quoi? C'est l'album qui arrive. Pire. Le premier extrait de Gotham City, l'album qui arrive. Ça fait un moment que tu parles en plus voilà, du projet Gotham City. Ça fait un moment. Donc, comme j'avais dit, le premier extrait sera lourd. Il donc, était lourd. J'ai tenu mes promesses. Ouais. Tu vois. Il y a un clip aussi qui est dispo. Il y a le clip qui est dispo très lourd. Partout. Il y a toujours eu des clips de dingue, ce type. C'est sur ma chaîne YouTube. H Magnum. Allez, on balance. Le génie des génies. Idem. Ce morceau, grosse dédicace à tous les jeunes qui nous écoutent, enfermés ou hospitalisés aussi, en Soum Soum. Toi-même, tu sais. Gotham City. Gotham City. Prochainement dans les bacs. Enfin, Saint-Blaise. Toi-même, tu sais, on lâche pas. Oh mes frères, qui m'avaient délaissé, je vous en veux pas, je suis dans mon coin tout seul, je plane. Oh mes sœurs, qui m'avaient délaissé, je vous en veux pas, je suis dans mon coin tout seul, je plane. Et je pense que c'est idem. Seul sur mon divan, je vous souhaite que du bien. Laisse la médisance, car je crains le divin. C'est vous qui me disiez que les gens deviennent aigris, bizarres, déguisent quand le temps se compte en devise. Je vous laisse passer devant, laissez-moi du blin. Je rame, ça fait 10 ans, je n'ai pas besoin du blin. À chaque fleur sa saison, ce que m'en me disait. Je disais, la lune s'enfusait. À tous ceux qui sont hospitalisés, dans les hôpitaux, les jeunes qui nous écoutent, Dream. C'est au pied du mur que l'amitié t'éteint, et que l'amour décède. Je pense que j'ai compris, je ne ferai pas de dessin. Certes, c'est confié dans le cauchemar des seins. Seul dans mon lit, mes soucis, mes coussins me soutiennent à couvert. Oh mes frères, tous mes refrains heads, on lâche pas. Dream, Marine Monster, H Magnum, Aria. Je plane. Yeah. Oh mes soeurs, qui m'avait délaissé. Je vous en veux pas, je suis dans mon coin tout seul. je plane. Et je pense que c'est idem. Je suis loin d'être un savant, mais ça je le savais. Je rate souvent le vent, j'espère être sauvé. Aveuglé par l'argent, on flippe, c'est la crise. On mise, la musique brise même nos mifs. Si je prends la fuite, on me traitera de loser. Y'a que dans le sale que je sais faire de l'oseille. Un jour un frère m'a dit, réveille-toi, c'est la vie. Fais moins à plaindre que ceux qui dorment sur le parvis. Je vis comme un mort, j'espère mourir en bonhomme. Je vis de moins en moins car j'ai fait. Condor 9-4, je sais que tu m'écoutes. Condor 9-4, y'a autant. Je mise, figé, je ferme la rive. On me dévisage comme un putain d'arrivant. Tu vois deux visages quand le putain arrive. Je suis devenu sage, Achimigno. Car mon sang est une sage-femme, un cordon, un fou-fin. Yeah. Oh mes frères, oh mes frères, qui m'avaient délaissé, qui m'avaient délaissé. Je vous en veux pas, je suis dans mon coin. Tout seul, je plane. Paris by night, dream. Qui m'avait délaissé. Je vous en veux pas, je suis dans mon coin. Tout seul, je plane. Et je pense que c'est idem. Yeah, H Magnum officiel. Partout, Instagram, Facebook. Allez mater le clip, c'est lourd. Gotham City arrive. Et lundi, il y a l'album de Marine Monster qui sort. Allez le chercher, c'est du lourd. Gotham City. Dur. Gotham City avant tout. Gotham City. Rafik de Sarcelles. Soum Soum, quand même tu sais, on est ensemble. Yeah, Saint Blaise. Factor, Loud School, Dream. Skalpovic. Stani Music. Le Pat. Tchou. Dream. H Magnum avec Idem à l'instant. Ça chante. Lourd. Ça chante aussi hein, pour H Magnum. Ah ouais, ça chante. Mais tu sais, il faut faire les choses doucement. On peut pas tout donner. C'est comme quand t'es avec une meuf. Il avait que lui, tu peux pas tout lui dire. Tout sinon. De suite. Elle va se sauver. Non mais c'est vrai, en plus, bah voilà, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on est sorti et puis tout l'été on a eu le gros carton voilà, avec Gims sur le projet Case. Ouais. Du swag, donc c'est swag. Une façon d'arriver dans l'hiver avec un morceau plus prenant. Plus prenant, voilà, c'est l'album, comme j'avais dit au début, on s'amusait et là c'est l'album, c'est une présentation, c'est après là que on peut te juger, on peut dire c'est cet artiste, j'aime bien ou pas. Et là, parce qu'on s'est appliqué, tu vois. Le morceau, il y a un clip, je dis ça qui est dispo. Allez cliquer, allez mater le clip de H Magnum. Allez mater le clip, ouais. Il est sur YouTube, idem, H Magnum. Et tu vois les messages là. En disant ce son te calme direct, une grosse claque. Allez-y, voilà, c'est. Ouais, ce son te calme. Tu l'écoutes avant de dormir et voilà. Tu dis merde. Direct. Et tu peux le réécouter plusieurs fois si tu ne trouves pas le sommeil. Voilà, si tu ne trouves pas le sommeil, tu peux l'écouter. Et donc, on est là pour soutenir la famille, les frérots qui nous ont invités. Il y a le Nine qui vient de prendre place. Qui vient de s'installer ici. C'est le Nine. Le Nine, tu veux ajouter quelque chose par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure ou Non. Parle pas trop, on a juste un mec qui parle pas trop, gros. Et dire, c'est comme Danny. Tu te souviens de Danny, non? Oui. Attends, lance l'instru seulement. Allez, c'est parti maintenant. Le Nine, freestyle. C'est le Nine. Zone. Fais ton BNF Jess 3, 9ème Z, Igo. Tu sais comment ça va se terminer. Sais comment ça va se terminer. Reste bien, sais comment ça va se terminer. Fuck les rageux, je suis pas pistonné. 9 mm, pistolet, tu veux test le Nine, gros, c'est pas gagné. Des bastos, j'en ai plein dans mon chargeur. Y'a les keufs courts si t'es chargé. Monte en long, boy, c'est le secteur. Pour une meuf, pas près de changer. Grave le choix entre le foot et le rap. Ou grave le choix entre le shit et le crack. Pas le choix, si tu pèses, on te braque. J'ai pas ton âge, je fais pas de cinéma. J'suis dans ce prescrit, pas signez-moi. C'est ton bénéf, partie 3. Star sur le toit, négro, ne visère pas. Posé dans la rue, à quoi nos vies servent pas, doré, ça ra le business pas. C'est vrai, mais les balances aussi. On tabasse jamais pour rien. Si mes gars à moi, c'est qu'il y avait un vrai souci. Désolé les gars, c'est le Nel qui vous parlait. Flow face dingue, mes rivaux ne sont pas prêts. Je pèse tout le monde, disent tous que je suis pas vrai. Je suis seulement prends sur eux si il me manque de respect. 7-5-0-9-7-6 millions, milliards, c'est ce qu'on vise. Villa, oblète, l'objectif. L'État, les stars nous divisent. Mange pas les couilles, ça tu le sais. Garde négro tes conseils. Si je te baisse, faut que tu saignes. Sinon, je ne serai satisfait. Mais pas de concu, c'est normal. Gros, le nain n'aura pas comme eux. Tous conçus de la même façon. Pourquoi aurais-je peur de l'un d'eux? Plus de bénéfices, nique sa mère. Pas de mère, tu vas gros fer. Fils de pute, tu parles sur moi. La prochaine fois, tu vas mal faire. Tu sais comment ça s'est terminé, terminé. Tu sais comment ça s'est terminé, terminé. Tu sais comment ça s'est terminé. Tu sais comment ça s'est terminé. Tu sais comment ça s'est terminé. Tu sais comment ça s'est terminé. Tu sais comment ça s'est terminé. Bah, routouté. C'est le mien. Neuvième zone série. Pas les poches, enfoiré. Vous l'avez dit, il y avait du live. Vous tournez où? Qu'est-ce que je t'avais dit? La sortie de chacun. Neuvième zone série. Le 9, va regarder le 9 sur Monégro. Allez, cliquez l'un sur du 9 sur Twitter. Ouais, je viens d'arriver. Tu viens d'arriver. En fait, toi, c'est mon frère, c'est mon petit frère. Ah, c'est ton frangin? Ouais, c'est comme mon petit frère. C'est la même chose. On a grandi ensemble. On a fait les sons ensemble, tout ça. On a sorti 3 épisodes avec mon gars Screech. Le 9, il a fait très, très, très mal. Vinqué. En tout cas, l'inso, on peut raconter ce qui s'est passé hier soir, mais il m'est arrivé une histoire incroyable hier soir en croisant dans la rue. Non, il y a un truc qui est assez fou, c'est qu'en tout cas, on parle de la terre du milieu, du Nine, etc. Elle est grande, cette terre. Je sais ce que tu vas raconter. Mais il y a un nombre de rappeurs chez vous, parce que, alors, pour rien vous cacher, hier, je prends un Uber pour rentrer tranquillement à la maison. Uber, voilà. Uber. Voilà. Et je tombe donc sur, Amox. Amox. Sur Amox. Amox du West. Amox. Amox qui m'a fait écouter, alors, plein de sons absolument incroyables. Il m'a parlé d'H Magnum. J'ai entendu des choses avec H Magnum. Je vais pas tout dévoiler parce que je sais pas si on peut tout dire, mais. Là, en fait, ça, c'est la génération juste en dessous de nous. Ça, c'est une génération, elle rigole. Non, mais c'est. Elle est déjà dans les bacs, elle est déjà. C'est vrai que c'est un vivier. Ça rigole même pas. Ah oui, il y a un truc qui est assez incroyable. Il y a un trap dans le 9ème, ouais. Voilà, il se passe quelque chose sur cette terre. On sait pas ce que c'est, mais il se passe quelque chose. Il y a quelque chose. Ici, ils ont planté des graines gros poteaux. Ça s'est accumulé, c'est dead. C'est la sexe. Bon, bah, en tout cas, bravo au 9 qui était là. Bravo. Ouais, big up pour le 9. 9ème zone, 9ème zone. Amox qu'on salue. Amox qu'on salue, ma gueule. Check dans le casse, Amox. Il sera là avec toi vendredi. Ah, il va venir, bah. Il va venir, t'inquiète pas. N'oubliez pas, suivre mon gars, le 9 sur tous les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, le 9 page fan. Voilà. Booba du 9, je connais pas vraiment l'adresse, mais vas-y. Mais t'inquiète pas, moi. Allez, Booba du 9. Suivez-le. Avant de se quitter et de rappeler 2-3 petites choses autour de Marine Monster, on fait tourner la roulette tout de suite. La Sky Roulette. Skyrock t'offre la première tournée de Black M dans toute la France. Avec Tidjani du Mans. Salut Tidjani. Salut Fred. Salut, bienvenue dans Planète Rap. Tu es prêt à faire tourner la roulette? Ouais, je suis prêt. Allez, dès que tu veux, tu dis stop, on y va. D'accord. Tidjani, Le Mans, le 7-2. Eh ouais. Et place de concert pour aller voir Black M en tournée dans toute la France. Il y en a 2 pour toi. Oh, trop bien. Vous gérez, on t'envoie ça rapidement. Skyrock. Merci à toi, beaucoup. Mon pote. Passe une bonne soirée. Ciao. Merci au Marine Monster. On va saluer H Magnum qui était là avec nous. Ça fait super plaisir. Bah, pareil. Grosse grand merci à toi. Merci beaucoup H Magnum d'être passé. Ça m'a fait plaisir que tu sois passé. Je le répéterai jamais assez. Ce type n'a pas. Attendez. J'ai passé une petite casse-tête à mes gars sur Jerud Blaze, rappeur d'élite, avec qui j'ai fait un gros feat. Et le clip va arriver bientôt. Et tout à toi, à tout. Issam de Saint-Blaise. 75, Issam, big up à toi aussi. Et je le répéterai jamais assez, comme je te disais, ce mec. N'a pas ce qu'il mérite vraiment. Non, il mérite plus. Il mérite beaucoup plus. Non, il y a rien. Et on travaille. On te souhaite voilà, c'est comme on dit, on peut pas donner du caviar au porc. Ça veut dire que les meilleurs restos ne sont pas fréquentés par le maximum. Vous connaissez de la confiture des cochons, mais caviar au porc. Voilà. Pas de caviar au porc. En tout cas, ça fait super plaisir. L'album sort donc lundi. Marine Monster. Lundi 3 novembre dans les bacs. 3 novembre, l'histoire s'écrit. Allez le chercher. Ouais. Et voilà, c'est très lourd. Merci H Magnum, merci le clone de X Gangs qui était là avec nous. Ouais, normal, on est là, on soutient les marées de Monster. Normal. Merci à l'Inso qui est passé, au 9 qui était là. Merci le 9, on est là, on est là. D'ailleurs, j'étais au studio hier avec Bedik. Cladin. R6. Merci à vous tous, merci aux marées de Monster sorties lundi. On se retrouve demain dans Planète Rap juste avant 20h. Et là, on va voir si 10 foules est connectée. Ça va, vous êtes là. dingue, les gars. Connecté, Fredo. C'est parti. On est là, on est là. C'est parti. Et on est connecté jusqu'à minuit. À demain, Fred. Ciao, ciao. Planète Rap, demain soir. Ouais, 20h, 21h. Et attention, attention. Dans un instant, la radio libre qui démarre avec du clash de la drague. Ah oui. Le grand retour de Philippe le Portugais. Ah, à la demande de tout le monde. Et de Pamela en plus, on aura le problème du mois. Et puis on revient tout de suite sur Skyrock.